Le poète à Monsieur Alphonse de Lamartine. Dès qu'une voix mystérieuse m'a donné le signal divin, comme une corde harmonieuse, mon âme a frémi dans mon sein. Silence, ô mes amis, silence, et vous, fuyez, dont la présence troublerait mes sacrés transports. Au hasard, je frappe ma lyre et laisse au démon qui m'inspire le soin d'en former les accords. Charles Loison, Ode à Manzoni. Sais-tu quelle est la voix qui, dans l'âme du barde, éveille tout à coup de magiques accents, lui livre les trésors confiés à la garde de ses accords retentissants? Semblable à cette harpe enfant de l'éolie qui résonne soudain au souffle des zéphyrs, l'âme du barde élu vibre et la mélodie s'échappe en suave soupir. Seul le poète pur d'un être séraphique dans un embrassement reçoit les dons divins, cette pensée unie au charme mélodique dont il enchante les humains. Il s'élance. Ses pieds ne touchent plus la terre, la nature revêt un prisme radieux. Sous l'orbe du génie, à ses vœux tutélaires, pour lui semblent s'ouvrir les cieux. Franchissant d'un regard la matière éthérée, il parcourt en vainqueur les mondes inconnus. Et c'est là qu'il surprend la note désirée, les chants de sa lyre attendue. Il règne. Et dans le ciel, son étoile constante, en dépit des hivers, brille de même feu. Contre la nuit des temps, sa muse étincelante protège ses chants glorieux. Mais que peu, comme toi, du messager céleste, reçoivent fortuné l'embrassement divin. Heureux déjà celui dont la lyre modeste voit à sa gloire un lendemain. Août 1835.